Bonsoir. J'ai peut-être une question d'abord de langue, peut-être. Parce que je sais que je connais des personnes anglophones dans la salle. Est-ce que tout le monde comprend le français? Si on parle français? Non. Non, qui non? Alors on va faire bilingue, we're going to do bilingual. Nous allons faire en bilingue. Et donc je te traduis. Ah ouais? Bah oui. Ou l'inverse, comme tu veux. On se traduit. Polonais, alors si tu peux attendre un an ou deux. Non, on va faire en anglais. ok, en français. Donc, on va présenter là un tout petit extrait minuscule d'un projet qu'on fait depuis. Quoi, une petite année? Un peu moins. En gros, on a réuni autour d'une pratique de chorale un ensemble de personnes. Travailleuses du sexe, donc un groupe de personnes concernées, dans un peu une sorte de mélange de deux pratiques. Une pratique qui est qu'est-ce que ça veut dire composer aujourd'hui pour un militantisme collectif, qu'est-ce que c'est que le club, l'endroit de concert comme un endroit de prise de parole, d'une part, et l'autre, un projet que moi j'avais commencé, enfin que je continue d'ailleurs depuis longtemps, qui s'appelle Hot Body Squires, qui est l'idée de rassembler des personnes autour de conversations, de lectures, de documents issus du militantisme queer, féministe, décolonial, etc. Et de d'écrire à partir de ces documents des chansons ou des morceaux qu'on met ensemble en musique et en chorale. Et voilà notre troisième membre. Voilà, donc l'idée c'est un peu de penser la chorale comme une sorte de porte-voix. J'ai parlé beaucoup pour la traduction, j'ai avancé. Merci. So sorry. Ça va, ok. Donc voilà, du coup, donc là on a ce projet qui s'appelle un peu pour l'instant la chorale pute, on cherche un peu, dans l'idée de queeriser, de transformer des textes, soit des chansons qui existent déjà, soit des morceaux qu'on pourrait écrire ensemble plus tard. Et là je m'arrête de parler. So tonight we're gonna present you the chorale pute. That in translation is the sex worker chorus, choir, that we are doing for now less than 1 year, and it came with some like concerned sex worker friends that we are trying to rethink how to compose music for militantism, but also like the place where we are doing militant things outside of the street, so the clubs, stages, and thinking about it. But also like, why not compose new music to speak about sex work, or just like we began to work on it by like change some lyrics of like existent songs already to make it more queer also. Qu'est-ce que tu as dit déjà? Oh yeah, so that's one part of our reflection. How to change also like the access of view about militantism, sex work, rights, fight on stage and see what's happened for that. So that's one part. And the other part is also like a practice that already had Gérald about like making queer choir when they working also in the same way, like composing music, changing lyrics and make it happen to be more inclusive and queer on a choir. Et aussi en rapide pour faire écho à la conversation d'avant, essayer aussi d'avoir des endroits d'échange entre personnes concernées qui n'étaient pas directement liées au militantisme mais qui étaient des espaces plutôt de Louis ludique, enfin avec une touch un peu décalée ou un peu amusante ou émouvante, si on fait bien notre travail. Voilà, ce qui est quand même en fait assez important quand tu cherches à exister mieux dans le monde. It's also an idea to create a place to exchange, meet between concerned people, so as sex workers here, because there is few moments or places that can exist just to be free outside of the work, exchanging things together, having fun, being emotional, and just like being together and doing things together. we're gonna sing one song. De bonne ambiance, micro de bonne ambiance. Qui a répété? Personne. Voilà, donc si c'est très très faux et très très mauvais, bien... ça sera génial. Est-ce qu'on va dire ce que c'est le bas ou... Bah, ça serait bien en tant que présentation. Ouais. Ah oui. Ok. Du coup, la chanson qu'on va faire là maintenant s'appelle Las Putas Unidas, donc qui est un détournement de Pueblo Unido, qui est une chanson révolutionnaire d'Amérique latine et qui a été déjà en fait anciennement détournée par les travailleuses du sexe elles-mêmes pour la chanter dans la rue et se la réapproprier. Et donc nous on l'a récupérée, on a refait la composition musicale pour l'adapter à nous et voilà. Sus manos van llevando. People are willing to join, please come in. anyone of us can be a host and we can explain everything and get you to get the information. On cherche de nouveaux membres. Oui, voilà. Merci. Si vous êtes concerné, même si vous ne savez pas chanter, vous pouvez nous rejoindre. Voilà. Surtout si vous ne savez pas chanter.